La musique s'éveille, les premières notes s'étirent. Leur mélodie m'emmène dans un flagrant délire. Puis voilà que l'encre coule et que cette boule dans ma gorge devient le flot d'un torrent qui déboule entre les roches. La rythmique et mon phrasé se met au diapason. Je peux enfin laisser parler les fruits de ma passion. Comme un braqueur volant toute la place Vendôme, prenant mon pied comme un graffeur dans une gare fantôme, cherchant à retranscrire à la perfection les rivages floutés de mes perceptions. Sans précipitation sur la longueur de la détente, rattrapant dans les montées ceux qui se perdent dans les descentes. J'avance en faisant faire à mon esprit une infinie flexion afin d'atteindre le bout de mes réflexions. Ainsi chaque mesure se bâtissant comme un escalier. Si tu l'as compris l'ami, bienvenue au 16e palier. C'est clair, non, j'ai pas mes 16 ans, restant soigné quant à leur traitement, noyé dans l'enchevêtrement. Cachant lexico, je fais ce qu'il faut, l'esprit chômé, la tête froide comme un esquimau. C'est clair, non, j'ai pas mes 16 ans, restant soigné quant à leur traitement, noyé dans l'enchevêtrement. Cachant lexico, je fais ce qu'il faut, l'esprit chômé, la tête froide comme un esquimau. Je remets des sous dans la machine, je parle pas de jeu d'arcade, c'est de l'arcrate que je gratte tard, 100% pro de sous-marine, le rythme attire, j'ai le tic d'écrire des rimes sexy, qui s'excite dans mon lexique, dépouillé, la porte de la réussite est verrouillée, je devrais me grouiller, mais chaud de se débrouiller avec quelques pièces rouillées, je sais que je gagnerai pas l'auto, chocolat sans ballotin, je suis pas le plus maloti, ça n'empêche que je râle autant, je pose ma trace vocale, loin des beaux palaces, je fais des boulots de passage, le dos ramasse en entendant que les euros s'amassent sur scène, c'est la fête, c'est gros carnage, un parcours artistique. Pas toujours rose, hors cadrage. La vie, un réseau calme, manque de connexion, d'un phone bas de gamme. J'optimise ma progression, mon blast est trop sanka. M'élever mon ambition pour élargir mon champ de vision comme un drone 4K. C'est clair, non, j'ai pas mes 16 ans, restant soigné quant à leur traitement, noyé dans l'enchevêtrement. Cachant lexico, je fais ce qu'il faut, l'esprit chômé, la tête froide comme un esquimau. C'est clair, non, j'ai pas mes 16 ans, restant soigné quant à leur traitement, noyé dans l'enchevêtrement. Cachant lexico, que je fais ce qu'il faut, l'esprit chômé, la tête froide comme un esquimau. J'écris quand l'envie me prend, j'suis même pas dans le divan. Des fois je me sens si lent, alors que d'autres j'ai l'encre qui manque. En remplissant mon cahier, je laisse des cailloux afin de retrouver ma route. Rien n'a pas des langues qui pendent, j'suis pas là pour soulever la foule. Si je vois que vos têtes battent en rythme, je me dirais tant mieux, c'est clair. Mais pour jouer, franchement, je préfère une oreille attentive. J'serai pas lauréat, j'm'en fiche. En fait, j'suis qu'un glandeur qui essaye d'égaler la grandeur des textes. Vieux poète arantique, dis-toi. J'décris des allées accessoires, insomnie présence. Depuis un trop de guides étranges qui me guident vers le phrasé adéquat. Donc ça déboîte crânienne, c'est tous les soirs pareil, j'pense à rendre bien mes semblables. Mais bon, j'y crois à peine, j'ai élaboré des stratagèmes. Mais je me demande à quoi ça mène, invisible en acte. Le pas maintenant ne viendra jamais. Hey, je laisse des traces amères, on en reparle après le sommet. J'espère que t'as capté que mes paroles te rappellent l'autre. C'est clair, non, j'ai pas mes 16 ans, restant soigné quant à leur traitement, noyé dans l'enchevêtrement. Cachant lexico, je fais ce qu'il faut, l'esprit chômé, la tête froide comme un esquimau. C'est clair, non, j'ai pas mes 16 ans, restant soigné quant à leur traitement, noyé dans l'enchevêtrement. Cachant lexico, je fais ce qu'il faut, l'esprit chômé, la tête froide comme un esquimau. Comme un esquimau. C'est clair, non,